franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Toujours la même appréhension. Est-ce que ça va recommencer ? Cette question hante les Libanais après chaque nouvel attentat, avec le souvenir obsédant de ce quart de siècle de guerre civile au cours duquel ils ont été tous les jours confrontés au pire. Une guerre libanaise, certes, mais aussi une guerre que se livraient par procuration les puissances de la région, à commencer par l'omniprésente Syrie, dont les dirigeants ont toujours considéré que le petit Liban n'était qu'une extension de leur propre territoire. La Syrie, donc. Appelée au secours par la droite chrétienne, elle envoie des troupes au Liban en 1976. L'occasion est trop belle. Les soldats syriens ne reprennent pas le chemin de Damas. Le pays devient de fait une sorte de protectorat syrien. Mais en 2005, après l'attentat qui a coûté la vie à l'ex-premier ministre Rafik Hariri, on assiste à un sursaut sans précédent de la population. Les Syriens, suspectés d'avoir commandité l'attentat et soumis à une intense pression internationale, doivent quitter le Liban. Ce qui ne les empêche pas de garder un œil vigilant sur le pays du cèdre. Et alors qu'ils sont aujourd'hui eux-mêmes entraînés dans une sanglante guerre civile, la tentation est grande d'élargir le conflit au-delà des frontières syriennes, ne serait-ce que pour détourner l'attention de tous ceux qui recensent jour après jour les crimes du régime de Damas. Aussi, quand le 19 octobre dernier, une terrible explosion pulvérise l'auto du patron des services secrets des forces de sécurité intérieure de Beyrouth, les Libanais ont légitimement peur de voir ressurgir le spectre d'une guerre fratricide. Monsieur X, essaie de voir ce qui se cache derrière ce tragique événement qui pourrait préluder à un embrasement général de la région. Et il évoque en particulier la personnalité d'un homme, Michel Samaha, très bien introduit dans certains cercles français. تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأمان حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت Je vous propose d'abord d'évoquer les faits. Le 18 octobre dernier, Wissam El Hassan atterrit à l'aéroport de Beyrouth. Il revient d'un voyage en Europe où il a rencontré certains de ses homologues des services de renseignement. Il est en particulier passé par Paris où, par précaution, il a mis sa famille à l'abri. Parce qu'il se sait menacé. Hein. Oui, je vous expliquerai pourquoi. Quand il arrive à Beyrouth, à l'exception de son garde du corps, il n'est pas attendu. Par précaution, toujours. Oui, oui. Ouais. Pourtant, son arrivée ne peut pas passer tout à fait inaperçue. Car le Hezbollah est tout puissant dans les services de l'aéroport. Ouais. Le Hezbollah, il faut le rappeler, est un parti dominant au gouvernement libanais. Et ardent supporter du régime de Damas, oui. Mais enfin, n'allons pas trop vite. On peut donc supposer que l'arrivée d'El Hassan a été signalée. Peut-être même que le patron des services secrets des FSI, les forces de sécurité intérieure, a été filé. Et où va-t-il alors ? Il gagne directement le siège des FSI, un immeuble beyrouthain sécurisé. Donc où il ne risque rien ? En principe, oui. Et il y passe la nuit. Le lendemain matin, dans une voiture banalisée et seulement accompagné de son garde du corps, il prend la direction de son domicile, une petite maison située dans une rue étroite du quartier chrétien d'Ashrafieh. S'il se sentait menacé, il aurait pu être escorté, non ? C'est vrai, mais il a choisi la discrétion. Au moment où son auto s'engage dans cette petite rue, un véhicule piégé explose. Wissam El Hassan est déchiqueté et tué sur le coup. La charge a été si puissante que le chef de service secret ne sera identifié que par un morceau de son arme de service retrouvée sur un balcon. Et bien sûr, dans cette rue passante, il y a de nombreux morts et blessés. Et les dégâts sont considérables dans le quartier. Le coup a été bien préparé. C'est évident. Les auteurs de l'attentat ont déclenché l'explosion à distance quand on leur a signalé l'arrivée de la voiture d'El Hassan. Ce qui signifie la présence de guetteurs et d'une équipe aguerrie. Et pour tout dire, les enquêteurs auront vite la conviction qu'un tel attentat porte la signature d'un service secret. Étranger. Vraisemblablement. Même si sur le terrain, les opérateurs étaient peut-être libanais. Ouais. Et ça rappelle l'attentat qui a coûté la vie à Rafik Hariri. Oui, un mode opératoire souvent utilisé par les Syriens, qui ont éliminé ainsi au Liban toute une série de personnages hostiles à leur politique et à leur menée dans le pays du cèdre. Donc, tout de suite, Damas est ciblé. Ça paraît logique, tant il était notoire qu'El Hassan était la bête noire du régime syrien. Alors, voyons ça de plus près, et sans remonter trop loin, il me faut vous parler des rapports tourmentés entre la Syrie et le Liban. C'est en 1989 que se termine l'interminable guerre civile libanaise. Et après la signature d'accords interconfessionnels à Taïf. Oui, sous le patronage de l'Arabie Saoudite. Le Liban va alors connaître une paix relative et procéder à sa reconstruction. Toutefois, le pays demeure sous la tutelle de Damas. Ouais, dont les soldats restent au Liban. Et pas seulement les soldats. Les services de renseignement syriens sont aussi très présents. Et d'une façon générale, Damas fait en sorte d'infiltrer toutes les structures de la société libanaise. En 2000, l'armée israélienne, qui occupait toujours le sud Liban depuis l'opération Paix en Galilée, se retire. Oui, mais les Syriens, eux, demeurent. Ils n'ont pas du tout l'intention de partir. D'autant que le prospère Liban est devenu indispensable à leur économie. Mais pour de nombreux Libanais, la tutelle syrienne devient de plus en plus pesante. Et c'est donc Rafik Hariri qui va secouer ce joug. En 2004, oui. Hariri, un riche sunnite, entrepreneur en travaux publics qui a édifié une partie de sa fortune dans la reconstruction d'un Liban dévasté par la guerre, est alors Premier ministre. Mais il faut d'abord dire que Rafik Hariri n'a pas toujours été hostile à la Syrie. Bien au contraire. Mais en 2004, le Liban traverse une grave crise institutionnelle. Le président de la République, pro-syrien, Émile Laoud, arrive au terme de son mandat. Damas veut qu'il reste au pouvoir en dépit des règles constitutionnelles. Mais Hariri s'y oppose. La confrontation entre le Premier ministre libanais et le président syrien, Bachar el-Assad, est violente. Et c'est ce dernier, en position de force, qui l'emporte. En octobre, Hariri démissionne. Ouais, et il laisse la place à un partisan de Damas. Bien entendu. Ouais. Mais la crise n'est pas terminée pour autant. Les Occidentaux s'en mêlent. Il est temps que le Liban recouvre son indépendance. Toutefois, l'événement qui va précipiter l'évolution de la situation, c'est bien sûr l'assassinat de Rafik Hariri en février 2005. Un assassinat attribué à Damas. Ou à ses alliés chiites du Hezbollah libanais. J'y reviens dans un instant. En tout cas, cette tragédie provoque un vrai choc dans l'opinion libanaise qui va réagir massivement. On a même parlé, à l'époque, de la révolution du cèdre. On assiste en effet à un rapprochement spectaculaire entre le clan sunnite et le reste de l'opposition laïque et chrétienne, hostile à la présence syrienne. D'où la création de l'Alliance du 14 mars. Mais ça, c'est par référence à la grande manifestation du 14 mars. Qui a rassemblé plus d'un million de personnes, du jamais vu à Beyrouth. Et ces gens demandaient en priorité le retrait des forces syriennes. Et Bachar el-Assad, pressé par l'opinion internationale, États-Unis et France en tête, doit céder. En avril, ses troupes quittent le Liban après presque 30 ans d'occupation. Ouais. Et l'Alliance du 14 mars remporte ensuite les élections législatives. Et forme donc le gouvernement. Mais la Syrie garde des cartes en main. C'est évident. Elle a toujours la faveur du clan chiite, conduit par le Hezbollah et même d'une petite fraction des maronites. Ah oui, ça, ce sont les partisans du général chrétien Aoun. Oui, ça, c'est une curiosité de la vie politique libanaise où les girouettes sont légion. Car il ne faut pas oublier qu'autrefois, Aoun, assiégé dans le palais présidentiel, s'est battu durement contre les Syriens et a même appelé à son secours les chrétiens du monde entier. Ouais, il s'agit donc d'un revirement là assez incompréhensible. Il faut savoir qu'il a toujours existé dans le camp chrétien des pro-syriens. L'homme dont je vais vous parler tout à l'heure, Michel Samaha, est de cela. Alors, bon, je reviens à l'évolution du Liban. Les Syriens sont donc partis, mais la paix n'est pas gagnée pour autant. Au sud, ce sont les Israéliens qui reviennent à l'été 2006. Ça, c'est la guerre contre le Hezbollah. Oui, en réponse à l'enlèvement de soldats israéliens. Tsahal envahit une nouvelle fois le sud Liban. La guerre dure un peu plus d'un mois, provoquant un millier de morts et d'innombrables destructions. Et le Hezbollah, équipé par l'Iran et la Syrie, humilie à plusieurs reprises, pour la première fois, une armée israélienne réputée invincible. C'est exact. Bon, naturellement, ce conflit a des répercussions directes sur la situation politique libanaise, où l'on va observer des affrontements très violents entre les communautés chiites et sunnites. Tandis que le gouvernement signera, issu de l'alliance du 14 mars, doit faire face à la montée en puissance du Hezbollah. Ouais, le Hezbollah qui devient un État dans l'État. Oui, c'est à peu près ça. Résultat, par le biais de son allié chiite, la Syrie revient dans le jeu libanais. En était-elle jamais sortie? Non, au moins si j'en juge par le nombre d'attentats et d'assassinats que des agents syriens ont perpétrés entre 2004 et 2008. Plus d'une dizaine. Et par exemple Ça commence en 2004. Un adjoint du chef druze, Walid Jumblat, est grièvement blessé dans un attentat à la voiture piégée. Puis, après l'assassinat de Rafik Hariri, c'est le journaliste anti-syrien Samir Kassir qui est tué. Un grand journaliste, oui. Oui, encore une voiture piégée d'ailleurs. Tout comme l'attentat dont est victime le secrétaire général du PC libanais. Puis, c'est le ministre de la Défense, Elias Mur. Et toujours en 2005, deux autres journalistes. En 2006, un responsable de la sécurité est blessé. Ses quatre gardes du corps sont tués. Une hécatombe. Et ce n'est pas fini. Fin 2006, un député membre de la famille Gemayel est abattu. En 2007, un attentat à l'explosif provoque la mort de 9 personnes, dont un député anti-syrien. Et ça continue jusqu'en 2008, où une bombe éclate au passage d'un convoi des FSI, les forces de sécurité intérieure. Un des adjoints de Wissam el-Hassan et plusieurs autres personnes sont tuées. Ça veut dire que les FSI sont donc déjà visés. Oui, je vous expliquerai pourquoi. Quoi qu'il en soit, la Syrie et son allié du Hezbollah profitent de la situation confuse qui a résulté de la guerre avec Israël. Premier succès, après une longue crise gouvernementale, un président de la République longtemps proche de Damas, le général Michel Sleiman, est élu. Un chrétien, Forcément, puisque les institutions sont ainsi faites. Le président est toujours un chrétien, tandis que le premier ministre est sunnite. Et le président de l'Assemblée est chiite. Mais surtout, oui. En 2009, le gouvernement de Saad Hariri, fils de Rafik, est renversé. Et le premier ministre qui lui succède, Najib Mikati, est soutenu par le Hezbollah, qui devient le principal pilier du pouvoir. À cet instant, Bachar el-Assad a donc gagné. Et depuis qu'il doit faire face à une rébellion dans son propre pays, il est de plus en plus tenté par une extension du conflit chez son voisin libanais, grâce à son allié du Hezbollah. Thank you. Sans déflorer la suite du récit de Monsieur X, je vous propose l'extrait d'une analyse très intéressante de Jacques Amalric, parue en septembre dans la revue Alternatives Internationales sur les liens entre Damas et le Hezbollah. Le dernier maillon de l'alliance régionale autour de la Syrie est le Liban, dont Damas n'a jamais vraiment voulu accepter l'indépendance et à propos duquel Bachar el-Assad s'était écrié en octobre dernier « Toucher à la Syrie, c'est prendre le risque de mettre le feu à toute la région ». Bien que dirigé par un gouvernement contrôlé par le Hezbollah, le multiconfessionnel Liban a pris soin jusqu'à l'été de prendre ses distances avec le conflit syrien. Mais depuis quelques semaines, les signes d'une contamination du pays se multiplient. Accrochage à la frontière avec la Syrie que réfugiés et combattants syriens franchissent, affrontement entre Alaouites libanais du Nord, favorables au régime Assad, et sunnites soutenant les rebelles syriens, enlèvement de réfugiés syriens par des chiites libanais voulant obtenir la libération de parents capturés par l'ALS, l'armée libre syrienne. La question est donc celle-ci. Hein. Combien de temps encore le Liban pourra-t-il ne pas être entraîné dans la guerre syrienne ? Ah, vous avez raison, c'est de plus en plus difficile pour le Liban. Qu'elle le veuille ou non, les différentes communautés du pays sont concernées par ce qui se passe en Syrie. Ne serait-ce qu'à cause du flot de réfugiés qui affluent au Liban. Et déjà, de nombreux troubles ont éclaté entre les pro- et les anti-Assad. Ah, c'est presque obligé. Alors, après cette parenthèse, je reviens à l'attentat contre Wissam el-Hassan, dont je vous ai dit qu'il était la bête noire des Syriens. Un mot d'abord sur le service qu'il dirigeait. Ouais, c'est le service de renseignement des forces de sécurité intérieure. Les FSI ont été créés par le gouvernement après la révolution du Cèdre. Il s'agit d'une police autonome entraînée par les États-Unis et la France, financée en partie par les États du Golfe et qui a clairement pour objet de faire pièce à des forces de sécurité et une armée largement peu fiable et infiltrée par le Hezbollah. C'est en particulier cette unité qui a été chargée par la justice d'enquêter sur l'assassinat de Rafik Hariri, en collaboration avec le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban. Ouais. Et c'est une enquête qui a fini par déboucher. En 2010, l'ONU a publié un rapport qui accuse le Hezbollah d'avoir perpétré l'attentat. Et la justice libanaise a rendu publiques les premières inculpations. 4 militants du Hezbollah sont désignés. Mais l'organisation chiite qui repousse ces accusations refuse de les livrer et ils seront sans doute jugés par contumace. Donc cette force de police des FSI est donc dans le collimateur du Hezbollah. Et tout particulièrement son service de renseignement dirigé par Wissam el-Hassan. Un mot alors sur cet homme qui vient d'être assassiné. El-Hassan avait une formation militaire. Ce sunnite était un fidèle du clan Hariri. Il a même été chargé de la sécurité de Rafik Hariri, avant, pendant et après son passage au gouvernement. Mais il a failli puisque l'ex-premier ministre a été assassiné. Et c'est le grand ratage de sa vie de spécialiste de la sécurité. Oui. L'histoire est d'ailleurs curieuse et lui a valu d'être l'objet de nombreux soupçons. Expliquez. En principe, conformément à sa mission, le jour où Hariri a été tué, el-Hassan aurait dû se trouver aux côtés de son patron. Ouais, et lui aussi aurait été tué au cours de ce terrible attentat. Hein. Oui, au total, qui a provoqué la mort de plus d'une vingtaine de personnes. Mais ce jour-là, Wissam el-Hassan était assis sur le banc d'un amphithéâtre de l'université. L'université, qui faisait-il ? Il passait un examen préalable, la soutenance de sa thèse sur un sujet ayant trait à l'informatique. Ouais. Peu de chance, hein. Oui, mais certains partisans de l'ex-premier ministre ont estimé que c'était vraiment trop de chance. Et se sont posé des questions embarrassantes pour el-Hassan. Car, contrairement à ce qu'il a prétendu, il n'avait pas été convoqué par l'université, mais il avait au contraire sollicité son professeur pour passer cet examen ce jour-là, précisément. Ouais. Comme s'il savait ce qui était arrivé. Exactement. Et certains n'ont pas hésité à dire que le chef de la sécurité de Rafik Hariri était complice de ces assassins. Mais Saad, le propre fils d'Hariri, a renouvelé sa confiance à Wissam el-Hassan. Et c'est le clan Hariri qui a pesé de tout son poids pour le faire nommer à la tête du service de renseignement des FSI. Oubliez les soupçons alors. Ne soyons pas plus royalistes que le roi, restons-en là. Les FSI et leurs services de renseignement, bien que décriés par les chiites, ont en tout cas fait la preuve de leur efficacité. Et pas seulement dans la traque des assassins de Rafik Hariri. En 2009, par exemple, un important réseau d'espionnage israélien a été démantelé. Parmi ses membres se trouvait un ancien responsable de la Sûreté Générale, qui est au Liban l'équivalent de notre gendarmerie. Au total, ce sont 18 espions qui ont été démasqués. Ouais, joli coup, là. Hein. Toutefois, comme rien n'est jamais acquis au Liban, à l'époque, certains esprits chagrins se sont demandé pourquoi le service de renseignement n'obtenait pas le même succès dès lors qu'il s'agissait d'identifier et d'arrêter les auteurs des attentats qui avaient frappé entre 2004 et 2008 tant d'hommes politiques et d'intellectuels. La question me paraît légitime. Mais en 2012, El Hassan a répondu en quelque sorte à leur attente en procédant à une spectaculaire arrestation. Une première au Liban. Une première, bah racontez. Le 9 août, très exactement, un ancien ministre libanais, Michel Samara, est arrêté au petit matin par un commando du FSI. La perquisition qui est aussitôt effectuée permet la découverte d'explosifs et de nombreux documents qui attestent de la complicité du politicien avec la Syrie. Et Samara est aussitôt conduit au QG des FSI où, devant un procureur, il passe immédiatement aux aveux. C'est-à-dire ? Selon des sources policières, il admet que sur ordre du général Ali Mamlouk, chef du bureau de la Sûreté nationale syrienne, il préparait des attentats dans le nord Liban pour provoquer une guerre entre sunnites et alaouites. Il lui est d'autant plus difficile de nier qu'il existe contre lui une preuve accablante. Une vidéo tournée en caméra cachée par un agent double que le FSI avait infiltré dans son entourage et que Samara avait justement chargé de perpétrer ces attentats. Ouais. Samara a donc été piégé par cet homme. Oui. Et son arrestation provoque un véritable choc au Liban. Pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est que jamais un personnage de cette importance, un ancien ministre chrétien, qui a joué un rôle obscur mais éminent dans la vie politique libanaise, n'a été arrêté dans ces conditions et pour des motifs aussi graves. Ensuite, l'interpellation de Samara démontre la réalité de l'existence au Liban d'un puissant et clandestin réseau syrien chargé de semer le trouble et d'exacerber les conflits interconfessionnels. Et d'accord, mais après tous ces attentats, on ne pouvait guère en douter, non ? C'est une chose de le penser et une autre de le prouver. Enfin, pour la première fois au Liban, si on met à part la découverte du réseau israélien, cette affaire prouve que les autorités policières et judiciaires peuvent être efficaces. Et quelles sont les autres réactions ? C'est naturellement celle du Hezbollah qui est attendue. Le Hezbollah, grand allié du régime syrien. Et que cette arrestation aurait donc dû embarrasser, sinon fâcher. Eh bien, les dirigeants chiites font profil bas. Et tout en réaffirmant leur soutien au pouvoir syrien, ils désapprouvent du bout des lèvres l'ingérence que représentait la machination Samara. Et surtout, ils affirment qu'ils n'ont rien à voir avec les projets criminels de l'ex-ministre. Prudence, donc. Cependant, la réaction la plus intéressante, la plus vive aussi, vient de Damas. Selon des sources concordantes, Bachar el-Assad, en personne, aurait téléphoné à son homologue libanais, le président Sleiman, pour exiger la libération immédiate de Michel Samara. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Un commentaire après l'assassinat de Wissam el-Hassan. Alors que de nombreux Libanais redoutaient un retour de la guerre civile et de la machine à tuer, comme l'a affirmé un important responsable chrétien, Ziad Majed, chercheur libanais interviewé en octobre dernier par le Nouvel Observateur, préfère nuancer, je le cite. Je ne vois pas encore de possibilité d'un conflit libano-libanais. Tout d'abord, parce qu'il n'y a pas de volonté, parmi les pros comme les anti-syriens, d'aller jusqu'au bout. Ils sentent que c'est une affaire très dangereuse qui peut provoquer une confrontation civile et communautaire. Mais des tensions peuvent se reproduire et entraîner des clashs dans des villes comme cela vient de se passer. Il y a donc, dans les deux camps, le souci d'éviter l'embrasement, mais quand même une volonté certaine de créer des tensions sous contrôle dans les rues de temps à autre. Ensuite, parce que toute guerre civile a besoin d'une infrastructure financière et logistique, et seul le camp du Hezbollah en dispose aujourd'hui au Liban. Je ne crois donc pas qu'on se dirige rapidement vers un conflit généralisé, même si les choses peuvent évoluer très négativement si la situation en Syrie dure encore pendant plusieurs mois. Alors, intéressons-nous de plus près à Michel Samara. Une observation d'abord. Les accointances de ce politicien chrétien avec la Syrie étaient un secret de polichinelle. Samara était même officieusement ou pas conseiller du président Bachar el-Assad. Alors qu'il était citoyen libanais. Mais ce qui a vivement surpris à Beyrouth, c'est de le voir mêlé à l'organisation d'attentats. Car ce n'était nullement un homme d'action. Deuxième observation. Au cours d'une vie politique très dense, très active, Samara, sauf quand il a été ministre, s'est bien gardé d'apparaître dans la lumière. Ah, un homme de l'ombre. Ou une éminence grise, comme vous voudrez. Et aussi un affairiste qui a profité de ses activités politiques, occultes ou non, pour édifier une confortable fortune. Ah bien. D'où vient-il ? Ce chrétien catholique melkite est né en 1948. Les melkites ? Oui, l'église melkite est l'une des nombreuses églises catholiques orientales. Le jeune Samara s'inscrit très tôt au parti Kataeb. Oui, ça c'est le parti phalangiste créé dans les années 30 par Pierre Gemayel. Un parti qui recrute chez les Libanais maronites. Et qui est situé à droite. Et même, avant-guerre, à l'extrême droite. Dans les années 1970, Samara dirige sa section étudiante. À ce titre, c'est un compagnon et bientôt un proche collaborateur de Béchir Gemayel, le plus jeune fils du fondateur des Phalanges, qui dirigera les forces libanaises, la milice du parti. Ouais, et qui sera plus tard un éphémère président de la République. Hein. Oui, et qui périra dans un attentat en 1982. Samara est aussi un proche d'Eli Obeka, un homme dont nous avons parlé autrefois. Un personnage douteux. Oui, enfin, qui a mangé à tous les râteliers, joué un rôle actif dans les massacres de Sabra et Shatila. Et dont vous m'avez dit qu'il avait peut-être trahi Béchir Gemayel, alors même qu'il était chargé de sa protection. Hein. C'est exact. Sama aurait-il pu être mêlé, lui aussi, à cette affaire ? Compagnon de Obeika, ce n'est pas impossible. Comme il n'est pas non plus impossible qu'il ait une responsabilité dans les tueries de Sabra et Shatila. Enfin, je n'en sais pas plus. Au milieu des années 80, toujours dans l'ombre d'Eli Obeika, il est partie prenante d'une tentative de médiation entre la Syrie et le clan chrétien. Une manœuvre qui se traduira par l'éclatement de ce dernier clan, pour la plus grande satisfaction de Damas. On peut donc supposer qu'à l'instar de son ami Obeika, Sama a joué un double jeu. C'est certain. Dans ces années-là, tout en étant conseiller d'Amin Gemayel, qui avait succédé à son frère Béchir à la présidence libanaise, il est aussi PDG de la télévision nationale libanaise. Mais il est surtout l'éminence grise d'Obeika, l'ennemi de Gemayel. Alors Obeika, lui qui joue la carte syrienne, vous le rappelez. Comme son ami Sama. Mmh. Ce dernier feignant toujours d'être l'ami de Gemayel, le meilleur ennemi des Syriens. Bon, je vous passe les détails car, comme tout ce qui se passe au Liban, c'est très compliqué. Et les alliances sont toujours improbables et susceptibles de changer à n'importe quel moment. Ouais. Et c'est la Syrie qui mène le jeu. La Syrie qui divise pour mieux régner, oui. Mmh. En appuyant tantôt les uns, tantôt les autres, mais pour revenir à Samara, il est certain qu'il se trouve invariablement au centre de la partie et qu'il use de son influence pour servir ses maîtres de Damas. Il faut d'ailleurs noter que Michel Samara est l'un des rares personnages libanais auquel Hafez al-Assad, le père de Bachar, faisait les honneurs de son cabinet privé. Mmh. Et la suite alors ? Samara ne perd jamais le contact avec Obeika, chef des forces libanaises. Et ça, c'est le bras armé des phalangistes. Hein. Bon, Samara serait devenu le responsable du service de renseignement. En 1985, il participe, sous parrainage syrien, à l'élaboration d'un accord entre les trois principales milices, les forces libanaises, les druzes du PSP et les chiites du parti Amal. Mais comme souvent au Liban, cet accord ne tarde pas à voler en éclats. Et d'abord parce que Obeika est supplanté par un autre phalangiste, Samir Jaja, dont le parcours n'est pas moins douteux, mais enfin, passons. Et que devient Samara ? Bon, ils continuent vraisemblablement à naviguer entre les différents clans. Évincé des forces libanaises, Obeika, lui, s'est installé avec ses partisans dans le sud-est du Liban, sous protection syrienne. Puis après un séjour en France, où détail significatif, il est hébergé dans la résidence de Rafik Hariri, il rejoint la ville libanaise de Zaleh, centre géographique de tous les trafics illicites, drogue, fausse monnaie, extorsion de fonds, rapt contre rançon, j'en passe, c'est les meilleurs. Et tout ça, j'imagine, avec la bénédiction des Syriens. Oui, qui y trouvent leur compte, tout comme la plupart des chefs de clans libanais qui peuvent ainsi s'enrichir et financer leurs milices. Et à votre avis, Sama n'est pas étranger à ces turpitudes? Le contraire me semblerait étonnant. La fin des années 80 voit les différents leaders chrétiens se livrer de violentes luttes fratricides et essayer de conclure des alliances, par exemple, avec les druzes ou les chiites. Obeika, pour sa part, a d'abord pris le parti du général Aoun. Mais à la demande des Syriens, il ne tarde pas à le trahir. Et quand arrivent les accords de Taïf, alors en 1989 ? Les milices de toute obédience doivent désarmer et leurs hommes rejoignent l'armée libanaise. Les chefs se resignent dans le privé où ils vont faire fructifier l'argent sale qu'ils ont amassé pendant la guerre civile. Obeika, par exemple, investit dans une chaîne de télévision privée en compagnie d'autres chefs de milice. Puis il acquiert une sorte de respectabilité. Ah bon, ça veut dire quoi ça ? Il opte pour une carrière politique et va occuper plusieurs fauteuils ministériels grâce à la protection dont il jouit à Damas. C'est aussi à l'époque où, sans vergogne, ces anciens chefs de guerre vont piller les finances de l'État libanais. Sama suit-il le même parcours ? Tout à fait. En 1992, il est ministre de l'Information, puis ministre du Tourisme. Ensuite, il est élu député grec-catholique. Enfin, là, je vais vite. Après avoir très curieusement flirté avec un mouvement anti-syrien, il renoue en 2002 avec les courants pro-syriens. En 2003-2004, il revient au gouvernement présidé par Rafik Hariri. Et après l'assassinat de ce dernier, là ? Il devient conseiller médiatique de Boutaï Shana Shahaban, une proche collaboratrice de Bachar el-Assad. Sa tâche principale consiste à discréditer le tribunal international pour le Liban. Et donc à disculper la Syrie soupçonnée d'avoir commandité l'assassinat de Rafik Hariri. Et dans le même esprit, il rejoint un groupe de personnalités pro-syriennes, le Rassemblement national. Et à cette occasion, il se rapproche du général Aoun de retour d'exil. Et Aoun est devenu pro-syrien. En 2007, le nom de Samaha apparaît sur une liste publiée par Washington, recensant des personnalités syriennes et libanaises soupçonnées d'œuvrer à déstabiliser le Liban. Mais c'est une autre facette de Samaha que je voudrais mettre en évidence. Ses rapports avec la France, dont il aurait été très proche des services secrets. Est-ce à cause de cette proximité qu'il a joué un rôle important ? En tout cas, Samaha apparaît comme étant l'indispensable artisan du rapprochement entre Paris et Damas. Mais au début de l'ère Sarkozy. Oui, et là, on retrouve un personnage incontournable, un autre Libanais, Ziad Takieddine, l'intermédiaire multicarte des hommes politiques de la droite française. Takieddine, qui est un proche de Samaha et qui va se servir de lui pour accéder directement au président Bachar el-Assad. Sous Chirac, les relations avec Damas étaient détestables. Ah, principalement à cause de l'assassinat d'Hariri. Qui était l'un de ses amis intimes, oui. Sarkozy, lui, au contraire, prône la réconciliation, parce que la Syrie pourrait ouvrir son marché à la France. Oui, la perspective de fructueux contrats. Grâce au tandem Takieddine-Samaha, qui ne ménage pas ses efforts, en liaison avec Claude Guéant, qui multiplie les déplacements à Damas. En 2008, le rapprochement franco-syrien connaît son apogée, avec la visite en grande pompe du couple Assad à Paris. Ouais, Bachar el-Assad, qui est même invité à suivre le défilé du 14 juillet à côté du président français. Takieddine a atteint son objectif, rendre la Syrie respectable afin d'envisager un accord commercial, quitte à court-circuiter l'accent du ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, très hostile à la Syrie à cause du non-respect des droits de l'homme par le régime dictatorial de Bachar el-Assad. Ouais. Et dans quel secteur, alors, cet accord commercial ? Essentiellement l'énergie nucléaire civile et le pétrole. Et ça ira très loin. Lorsque Nicolas Sarkozy se rend à Damas en septembre 2008, une visite à nouveau préparée par les mêmes hommes, Taqiyedine et Samara. Des accords ambitieux sont signés entre les deux pays. Mais les premiers troubles en Syrie, dès le début de 2011, ruineront ces perspectives mirifiques. Et le président Sarkozy, qui traitait Bachar en ami, sera aussi l'un des premiers à réclamer contre lui une intervention internationale. Ça se passe de commentaires, n'est-ce pas? Alors, vous avez compris que Michel Samara était un homme précieux pour le pouvoir syrien. Son arrestation ne pouvait que fâcher Damas. Ouais. Et l'attentat contre Wissam El-Hassan serait un acte de représailles après l'arrestation de Samara? Ça me paraît logique, non? Et vous pensez alors que cet homme de l'ombre, enfin je vais parler de Samara, aurait vraiment pu manipuler des explosifs fournis par la Syrie? Il a été à l'école d'Obeika, qui était un tueur. Qui a lui-même fini par être assassiné en 2002. Hein. Mais vous avez raison de poser la question. Parce qu'au Liban, où l'on a un sens aigu du machiavélisme politique, certains ont émis une autre hypothèse. En réalité, Samara, sentant que l'étoile de son mentor, Bachar el-Assad, pâlissait de plus en plus, aurait décidé, une fois de plus, de changer de monture. Et il aurait combiné cette affaire d'explosifs avec la complicité des FSI. Il faisait ainsi d'une pierre deux coups. Il fournissait au camp anti-syrien des arguments en or et lui-même se mettait à l'abri. En prison? Temporairement, bien sûr. Et manipulation ou pas, alors Bachar el-Assad se serait vengé en faisant assassiner Wissam el-Hassan. Et Bachar avait de bonnes raisons pour cela. El-Hassan était aussi l'homme qui, depuis le Liban, organisait la livraison d'armes aux insurgés syriens. Des armes qui venaient d'où? Souvent de Libye, mais c'était le Qatar et l'Arabie Saoudite qui finançaient. C'est pourquoi les observateurs les plus perspicaces de la région ont pu affirmer, en apprenant la mort d'El-Hassan, Bachar s'est vengé de Bandar. Bandar? Bandar bin Sultan, le chef des services de renseignement saoudiens. Un livre pour terminer. Lors de la dernière saison de Rendez-vous avec X, nous avions évoqué les massacres de Sabra et Chatila. Aujourd'hui paraît un ouvrage de Jacques-Marie Bourget, témoin direct du drame, illustré par un autre observateur, le photographe Marc Simon. Un document terrible dont vous trouverez les références sur franceinter.fr. À samedi prochain, ce programme a été préparé par Rebecca de Nantes et réalisé par Fabrice Lègle. Merci aussi à Monsieur Djoub pour ses inventions musicales. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.